Voilà, c'est ça. Ensuite, si ça marche, ok. Ah ouais, tu m'as Si ça envoyé un marche, mauvais drone. tu mets ton nom Ninjam là. Ensuite, tu choisis la fenêtre 2054. Ouais, Et ça puis tu te marche, mais connectes. Après, tu m'as envoyé la mauvaise room. Ah, Non, même mais moi, ça je sais pas. marche, mais... Oui, c'est ça, tu choisis. Il faut que tu choisisses 2054. Ah, mais si, comment tu m'as fait pour envoyer cette adresse-là, la HTTP? Ah ok, si ça marche, tant mieux. Maintenant, il suffit de se connecter sur la room et je te montre ensuite la suite du processus. Voilà. Ah non. Pourquoi je m'apparais? Pourquoi je m'apparais en double? Ah bah voilà, je te vois. Ok. Ensuite, deuxième, tu vois le Mais restart métro, ça là, tu as une petite marche. fonction en haut à droite, là, il s'appelle restart métro. Au moment où ça passe à 1, il faut que tu appuies le bouton. 5, 7, 8, Ouais, 9, mais je vois tout 10, ça, 11, moi, je vois 12, tout 13, ça. 14, 15, 16, 1. Voilà, là, j'appuie restart métro, là. Bah oui, je me doute. 1, 2. Vas-y, parle pour voir. Moi aussi, j'ai fait. Pas encore, pas encore. On n'est J'ai pas encore fait. synchro, on n'est pas J'ai encore un. synchro, tu vois. Et deux. Il faut juste au moment Et où trois. tu, sur le métronome, où Et tu repars un. sur le 1, là, tu Et appuies restart deux. métro, ou Et je sais plus trois. comment ça s'appelle, ou en Et français, quatre. Mais recommencer le si, regarde métronome, quoi. aussi, on va le faire. Ah, bah là, je te vois en synchro, là. Mais je le fais, mais je le fais, mais je te jure, je le fais, mon gars. Deux. Et trois. 4 et 1. Oui, Attends, oui, oui. ma Là, je vois que tu as synchro elle est actionné. 3. Non, tu me vois en Je fais synchro, là. 3 et Regarde si puis je. je fais 4. Puis je fais 1. Je fais un geste quoi. Attends, je vais essayer de Et claquer la basse, 3. là. Oui, carrément. Ça le fait, 1. là. Je sais pas, fais un gros geste sur le 1. Sur Quatre. le 1, tu tires la langue. Oui, je suis Sur le synchro, gars. 1, tu tires la langue. Voilà, tire la langue sur le Oui, je te 1. Et. vois. Oui, je te vois. 2. T'es synchro chez moi. Est-ce que je tire la langue sur le 1? Est-ce que je tire la langue sur le 1? C'est vrai, je suis synchro chez toi? Je vais tirer la langue sur le 1. Ah, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Est-ce que je tire la bourre? Ah, s'il te plaît. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est pas mal. On est synchro, je te dis, on est On dirait. synchro. Putain, mais comment tu fais des pouces comme Ouais. ça? C'est trop génial. Mais oui, Mais c'est on est génial, mais synchro. c'est super. Alors, le problème, c'est que moi, je peux pas te streamer comme ça. Tu vois? Pourquoi? Tu vois? Parce que il me faut un. Oui, On est bah synchro, mais moi, le là c'est but, plus c'est que agréable, mais il si faut jamais on vraiment, fait tu un sais, il faut stream. arriver Ah, pile poil oui, sur le 1. j'adore. Il faut qu'on soit sur le. Non mais comment on Bah. peut faire pour streamer un truc C'est super. Ouais, t'as vu? qui marche quoi? Moi il me faut deux ordinateurs mais ça tombe bien, j'en ai deux. Comment on va faire? Mais je ne comprends pas. Ouais, dis-moi. Écoute, moi j'utilise un truc. Bah, moi je stream jamais, hein, mais c'est plutôt Seb là de son côté. Mais Tu bouges j'utilise mal? Tu sais pas l'application danser? OBS là. Bah, tu sais pas danser? Tu vois, OBS, c'est une application qui permet de streamer quoi. OBS s'appelle OBS. Et puis avec OBS, tu peux récupérer Mais cet bien sûr que je écran-là que vois tu as en OBS. face. Regarde. Mais mec, Johan, Johan, Johan, Johan, Johan. Non, moi je danse du zouk. Non mais Johan, est-ce que t'as Voilà. vu la gueule de mon écran? Est-ce que tu vois qu'il y a ma gueule, Oui, qu'il y a regarde. mes Après, mains, si je joue en qu'il y a parallèle, ma tu vas voir machine? si. Qui a T'as mon vu? software, qui a Oui, mon oui. software, et donc Oui. forcément je me sers d'OBS. Donc là le truc c'est que je me sers déjà d'OBS une première fois. Oui, tout Comment à je vais fait. faire pour me Mais tout à servir fait, je vois. d'OBS une deuxième fois? Mais je vois Ça le tout, truc, tout. ça le truc. Donc il me faut un deuxième ordinateur. Comment on va faire? Ah, Moi d'accord. j'adore. J'adore, c'est bien. J'aime te savoir investi. D'accord, d'accord. Ah, d'accord, ça y est, je comprends ton problème, quoi. Sinon, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre, tu vois, comme moi, qui n'utilise pas OBS ou... Voilà. Tu vois, là, c'est... Voilà, le micro en même temps. Tu vois, non, c'est plus agréable quand c'est comme ça. Au moins, on a l'impression de jouer en live direct, quoi. Là, je joue de la basse, là. Et souvent, la plupart des joueurs sur Jamtaba, tu sais, n'utilisent pas ce... Attends, on est tous sur Vidéo 5, mais... Ouais, pour prendre en... Mais ça marche pas, mais là ça marche pas vraiment, mais la lumière, la vitesse de la lumière joue. En fait ça, le lag il est quand on... Le problème c'est que si moi je ne restarte pas le métronome de 1 de mon côté là, ça va pas marcher. Allez, un petit zouk là. Le lag, il est dû au fait que la Terre est grande et que la lumière a une vitesse et que donc en fait on est quand même loin et donc ça marche par boucle et donc on aura toujours une boucle question-réponse même si jamais on se voit dans le temps dans la boucle là on a une impression de synchronisation parce qu'on se voit bouger dans le temps dans la boucle. Mais j'adore. Yeah. Est-ce que toi tu me vois en mode synchro en ce moment ou t'as l'impression de me voir en synchro ou... Je te vois en synchro dans la boucle. Ça veut dire que ce que je vois et ce que j'entends sont décalés dans le temps. Ça marche. L'illusion est parfaite maintenant. Ça marche du mieux que ça peut regarde, marcher. Regarde, je tire la langue. Des fois, il faut savoir s'avouer que ça marche du mieux que ça peut marcher. gratte. Yeah man, yeah man. Je vais quand même lui donner des accords, hein, parce que j'ai l'impression qu'il reste en blues, le gars. Thank you. step, en chaîne et en os. Voir comment ils branchent tout son. Son putain de matos. Ah, ce serait trop bien. Je crois qu'il faudrait. Et toi, la prochaine fois que tu reviens, je crois qu'il faut nous en parler. Oh, y'a quoi? On croyait tous avoir sur l'amour depuis toujours. C'est pas vrai, mais c'est ça l'illusion. C'est trop bien, parce que si tu veux streamer avec... Elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est vachement mieux, c'est vachement bien. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est très perturbant quand tu vois bien. Ninja, mais tout va faire un milliardaire qui moi, tout le monde comprend l'image maintenant, le son et l'image. J'ai fait le plaisir d'éditer et Ripper, c'est son petit projet. Le mec il a fait Ripper pour contre Cubase, Logic et tout ça. J'ai NU gratuit pour tous les mecs comme moi. Il a fait ça, il a fait une mode et moi je suis là. La vie sur les vidéos. C'est la pub de ça, et oh. Je dis moi c'est mon poteau. On va faire de la pub pour tout ça. C'est oh frérot, on va changer le world. Oh, on va break the frontero. Music got no borders, oh. Music got no borders. Sur OBS, comme ça tu regarderas le résultat si je te l'envoie. Et tu vas voir que chez moi c'est parfaitement synchro. Chez moi aussi, bro. Ok, je dois router le signal vers vous. Je crois. Là, je suis en train de le... je suis en train d'enregistrer en caméra et je te l'enverrai. go. Limbo's go. On va trouver des solutions. Go. Go. Limbo's go. Ta bibine là, c'est trop bien. Ça fait comme si on était pas si loin. Je suis connecté avec toi sur Yahoo, il me semble bien, non? Comme ça, je t'enverrai la vidéo via un lien 5 giga mégafile. Sur Yahoo? Je suis en train de prendre la vidéo, là. Mais laisse tomber la oui, vidéo. Oui, sur Yahoo, il me semble bien. Il faut qu'on trouve des solutions pour streamer en live. Ah, on a un pianiste. Non. Pour streamer en live. De Bouddha. Ça. Ça marche. Non, c'est Bena qui prend le piano. Ça marche trop bien. You're so good. Ben là, je t'avoue que je suis en train de streamer là en live là. Enfin, je peux streamer, mais il faut que j'ai un. Non, fais chier. T'y es pas encore pour streamer, gars. T'y es pas encore, mais bientôt. Et je serai ton premier fan. Je vais essayer de le suivre, hein. Je l'écoute là. Ah merde, j'ai mal à la gorge quand tu dis ça. Je me suis attrapé une fichue angine là. C'est ma première angine ici en métropole là. C'est mon baptême de la France quoi. Quoi, mais t'es en métropole là? T'es où là? Mais où est-ce que t'es là, garçon? T'es en métropole? Qu'est-ce que tu me dis là? On est voisins? Qu'est-ce que tu racontes? T'es rentré? T'es où? C'est quoi ta ville là? Ouais, c'est regarde, ton... t'as vu? Je suis avec un pull là. C'est quoi ton code barre? Moi je suis dans la drogue. Oui, oui, je suis en métropole là. Garçon, il est en métropole. Oui. Mais j'avoue, mais moi aussi, regarde. Oui, voisin de 400 km peut-être. Je sais pas si t'es sur Paname toi. Ah putain. Moi. En fait. La ville connue la plus proche, c'est le 26400, c'est ça Valence ou Lyon. C'est quoi ton adresse? Châteauloup. Qu'est-ce que c'est cette ville-là? Voyez, rappuie un coup, restart métro, tu verras, là ça va être en live direct. Château-Louvre. C'est un petit village près de Cré. Cré, c'est C-R-E-S-T quoi. C'est pour ça que ça marche, c'est parce que t'es juste à côté en fait. Quand tu veux m'envoyer des bibines là, c'est ça? Écoute, j'avais déjà testé de Nouvelle-Calédonie et ça marchait bien, quoi. Bah, je le savais déjà parce que j'avais déjà fait les pré-tests avec, avec Bernard. Bernd. Il faut juste que tu appuies restart métro, là, et tu verras, là, ça va être... Parce que j'ai demandé à Bernie, puis au programmateur de ça, c'est de... Ah, mais je l'ai fait, Mais après, ouais, Bern, de refaire la synchronisation, mais en direct. Sans appuyer le bouton. Si tu vois ce que je veux dire, au lieu d'appuyer tout le temps restart métro, mais c'est de le faire automatiquement, quoi. En tout cas, moi, de mon côté, franchement, t'es... Il y a 450 km, il y a 5 heures de route. T'es comme si c'était en direct, quoi. 4h30. Mais je sais que t'as une mesure... quand je reçois l'image, là, ça va en même temps que le son, quoi. Ben oui, c'est normal, à 4h32, à 4h30. C'est cool. Mais sur son obus, ça va cartonner. Alors écoute, quand l'hiver passera, peut-être que j'irai faire un tour. Quand l'hiver passera, quoi. Il faut un deuxième ordinateur. Mais t'es où, château, comment? Château. Château Vroux, château. J'adore. Non, c'est toi qui es là. Moi, je suis à côté. Moi, je suis à Toulouse. Ou un gars de l'extérieur qui prenne l'OBS, mais moi je suis pas trop streamé. Ah, d'accord. T'es plus au sud, ok. Ça va être moi le mec de l'extérieur. Là où il fait chaud. Il fait plus chaud, j'ai un pull de moins. Bon, on va y... Je t'enverrai la vidéo et tu verras à quel point c'est trop bien de mon côté. D'accord, avec plaisir. Oui. Moi, j'ai toute la panoplie des montagnards. Hotmail.fr, si tu l'as pas. Pierre.gramont.hotmail.fr. Tu peux l'écrire s'il te plaît? Est-ce que tu peux l'écrire sur le chat de Ninbot? Mais il me semble que je l'avais. l'avais pas du tout. Merci. Ok Pierre, je t'envoie ça là. Je viens de te l'envoyer là, tu vas pas tarder à le recevoir. Mon cerveau il travaille là plein pot pour savoir comment on va faire pour réussir à avoir les deux feeds. Moi j'ai tout ce qu'il faut en fait à la maison. Il faut juste des sous pour que je reste à la maison. Donnez-moi des sous pour que je reste à la maison. J'ai trouvé synchro. Voyez, je vais devoir te laisser. En tout cas, merci pour le petit test. Je t'ai envoyé la vidéo par mail. Plein d'amour, merci. C'est un lien téléchargé, parce qu'il fait 200 MO la vidéo. C'est un truc que j'ai pris sur OBS. Merci mec, tu gères à fond. Fait grave plaisir, on se capte. Merci pour le test. Là, oui. On se redit ça là. T'es ici pour longtemps? T'es en métropole pour longtemps? Carrément. l'instant, c'est adaptation. Pour l'instant. Et c'est aussi pour mes enfants. Hein. En ce moment, là, je m'occupe de mes enfants ici. Là, et puis après, dès que c'est bon, là, je pourrais circuler pour vous voir. Quoi. Moi, je suis vraiment pas loin. Moi, je suis pas loin. Moi, je suis vraiment pas loin. Il me tarde de zouk et bouc et bouger. Longtemps, longtemps, longtemps, longtemps. mañana, mañana será. Paraíso, mañana será. Un día, mañana, mañana será. Pasadilla, mañana será. Pasadilla, mañana será. Un día, mañana será. Te entrañará mañana, espere por mañana, mañana por la mañana. Joined. Please. waste your. Encore.